l'oracle et l'impie. Fable numéro 19 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. L'oracle et l'impie. Vouloir tromper le ciel, c'est folie à la terre. Le dédale des cœurs en ses détours n'en sert à rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux. Tout ce que l'homme fait, il le fait à leurs yeux, même les actions que dans l'ombre il croit faire. Un païen qui sentait quelque peu le fagot et qui croyait en Dieu, pour user de ce mot par bénéfice d'inventaire, alla consulter Apollon. Dès qu'il fut en son sanctuaire, « Ce que je tiens, dit-il, est-il en vie ou non? » Il tenait un moineau, dit-on, prêt d'étouffer la pauvre bête ou de la lâcher aussitôt pour mettre Apollon en défaut. Apollon reconnut ce qu'il avait en tête. « Mort ou vif, lui dit-il, montre-moi ton moineau, et ne me tends plus de panneau. Tu te trouverais mal d'un pareil stratagème. Je le vois de loin, j'atteins de même. » Fin de la fable numéro 19 de La Fontaine. L'oracle et l'impie. Cet enregistrement fait partie du domaine public.